Chapitre 21. Cependant, Klutz courait aussi vite que ses jambes tremblantes le pouvaient porter dans la direction de l'homme. À vrai dire, il éprouvait quelque peine à comprendre pourquoi il allait là, au lieu de s'adresser à la personne même qu'il avait si scandaleusement traitée. Mais sans doute, le Herr Régisseur en savait plus long que lui en matière d'étiquette, outre qu'il jugeait le cas de façon impartiale, sans haine et sans passion. Au fond, tout au fond de sa conscience, il sentait une terreur folle à l'idée de l'entrevue imminente. Combien plus facilement il eût affronté Anna, une vibe, une femme, une simple jeune fille qu'il ne connaissait qu'affable et souriante, tandis que le maître de l'homme, avec son air froid et imposant, il tremblait à la seule pensée d'aborder ce grand seigneur, devant lequel il s'était toujours tenu, au propre aussi bien qu'au figuré, très humblement chapeau bas. Mais le vin était tiré, il fallait le boire, ou plutôt le brandy, ingurgité, lui prêtait le courage du désespoir. Il essaya de se remonter en récapitulant ses souffrances, ses jeûnes, ses insomnies, ses faux espoirs, le ridicule enfin qu'il avait encouru au dire de Delvig. D'ailleurs, il ne pouvait plus reculer, car en émergeant du bois, il se trouva soudain face à face avec Axel, debout sur le perron de sa demeure. Un cigare aux lèvres, les mains dans les poches, M. de l'Homme regardait trotter une jeune pouliche tenue à la longe par un groom. Deux chiens de chasse, couchés à ses pieds, se précipitèrent en aboyant vers Klutz dès qu'il parut. Sans se détourner de l'objet qui occupait son attention, Axel siffla pour les rappeler. Klutz s'approcha, les oreilles incandescentes. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda distraitement le châtelain, toujours les mains dans ses poches et l'œil fixé sur la pouliche. « Je désirais vous parler en particulier, » répliqua le candidat, en mettant dans son ton une intention amère qui passa complètement inaperçue. « Bien, un moment, s'il vous plaît. » Et Claude s'attendit, pendant que l'homme, continuant son minutieux examen, entrait avec le groom dans une longue explication sur le meilleur match à donner à la bête. Ceci devenait intolérable. Cette morgue, cette hauteur, se pouvait-elle endurer? Il fallait le punir, l'irriter, le tirer à tout prix de son calme dédaigneux. Permettez-moi de vous rappeler, fit Klutz, d'une voix tremblante de colère, que je suis toujours là, toujours debout, et que je n'ai qu'une paire de jambes. Votre cheval qui en a deux pourrait attendre mieux que moi. Axel se retourna, surpris. Comment? Qu'y a-t-il donc? Demanda-t-il. N'êtes-vous pas le vicaire de Mansk? Oui, je vous reconnais. Que pouvez-vous avoir de si pressé à me dire? Je regrette de vous avoir fait attendre. Entrez. Il renvoya la pouliche aux écuries et introduisit Klutz dans son cabinet. Asseyez-vous, fit-il en poussant un siège vers lui et en se plaçant à son bureau. Vous offrirai-je un cigare? Non. Non? Axel le regarda. On dit en général non merci, ajouta-t-il froidement. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, ça, mon cher monsieur, à qui en avez-vous? Vous paraissez en colère. J'ai été traité de la manière la plus indigne par une femme. Cela arrive parfois, fit Axel, sans pouvoir réprimer un sourire. Je ne veux pas qu'on me persifle, cria Klutz, les yeux hors de la tête. Axel leva les sourcils. Vous n'êtes pas poli, monsieur. Monsieur Klutz, n'est-ce pas? Tâchez de l'être, sans quoi je me verrai forcé de vous prier de sortir. « Je ne sortirai pas, mon cher monsieur. Je ne sortirai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Cette femme, pourquoi ne pas la nommer? C'est Miss Estcourt, Anna Estcourt. »« Miss Estcourt ?» répéta Axel, confondu. « Parlez d'elle avec le respect qui lui est dû et la réserve qui convient à votre position sociale. » ajouta-t-il sévèrement. « Ma position sociale, ma position, quoi? Ne suis-je pas un homme par hasard? Un homme avec un cœur, un cerveau, des muscles, tout comme vous. Votre physiologie manque totalement d'intérêt, fit l'homme. Que s'est-il passé? Y aurait-il eu erreur sur le paiement de vos honoraires? Mes honoraires? N'avez-vous pas été chargé de donner des leçons à Miss Letty Estcourt? Pouh, les honoraires! Comme si l'amour s'inquiétait de questions si basses. Voilà qui est fort bien. Mais pardon, ai-je bien entendu? Vous avez prononcé le mot « amour ». Quand depuis des semaines, depuis en fait que je prodigue mes leçons à la nièce, elle a accepté mes fleurs, accepté mes messages, d'abord verbaux, puis épistolaires. Un moment, De qui parlons-nous ? Je vous ai rencontré dans les bois avec Miss Leach. L'institutrice ? Merci beaucoup. C'est de Miss Estcourt que je parle, s'il vous plaît. Miss Estcourt qui m'a encouragé, m'a séduit, m'a tourné la tête, et qui, après m'avoir donné les noms les plus doux, oui, les plus doux, me repense Agnès, et me ferme la porte au nez. Vous êtes ivre ? Jamais de la vie ! S'écria Klutz avec une indignation d'autant plus vive qu'il avait encore le goût du brandy sur les lèvres. Alors comment osez-vous parler en ces termes de cette jeune dame ? Osez ? Croirait-on pas qu'il s'agit d'une reine ? Cria Klutz. Et d'ailleurs le sera-t-elle que je parlerai d'elle comme il me plaît ? Un chien peut bien regarder un évêque, je pense, ajouta-t-il en éclatant d'un rire discordant. Un chien peut regarder qu'il voudra, sans nul doute, mais il fera sagement de ne pas se mettre dans le cas de recevoir un coup de pied. Vous me comprenez ? Il ne recevrait pas de coup de pied s'il avait dans sa poche ce que j'ai dans la mienne. Je vous ferai remarquer que les chiens n'ont pas de poche. Mais ils ont des dents ! Ha ha ! Rira bien qui rira le dernier ! Cria Klutz, tapant à coups redoublés sur sa poitrine. Où voulez-vous en venir ? Et que prétendez-vous avoir en poche ? Fit Axel impatienté. Un petit poème qu'elle m'a envoyé en réponse à un des miens. Un tout petit, tout mignon poème. J'ai cru vous faire plaisir en vous donnant cet échantillon du style de votre future épouse. Ah, que de bonté. Donc c'est à cela que je dois l'honneur de cette visite. Miss Estcourt est ma future épouse. Tout le monde le sait. Je regrette bien vivement, croyez-le, que tout le monde se trompe. Gott, je le savais. J'en étais sûr. J'aurais juré que vous le nieriez, que vous sauriez comment elle se conduit. Rigana Klutz en frappant sur sa cuisse. « Mais à quoi bon ? Qui vous croira ?» Axel le regarda froidement. « Voyons ce papier » fit-il avec flegme. Klutz lui tendit d'une main tremblante. Monsieur Delhomme le prit, alluma une bougie, car la nuit était venue, et l'examina attentivement, tandis que l'autre, l'épiant d'un regard avide, cherchait vainement l'ombre d'une émotion sur son visage. Il demeura froid, calme et dédaigneux. Klutz grinçait des dents. Il lui donnait ses deux oreilles pour le tirer de cette impassibilité. Que faire ? Comment arriver à l'émouvoir ? Faut-il le brûler ? Demanda Axel, relevant la tête et approchant le papier du flambeau. Le brûler ? Mon poème ? Toute cette affaire est tellement ridicule. Ceci est écrit par une enfant, et nous savons tous deux qui elle est. Il n'y en a qu'une ici qui écrive l'anglais. Quoi ? Je vous dis que c'est de la main de Miss Estcourt ! Cria Klutz, lui arrachant le papier d'un geste fébrile. Miss Estcourt n'en soupçonne même pas l'existence. Si fait, c'est elle. Elle qui l'a composé, elle qui l'a écrit, je le jure devant Dieu. Votre Miss Estcourt, votre froide Miss, votre fiancée ! Rugit Klutz, hors de lui. Mais tout le monde le saura. Je le dirai partout. Je la ferai connaître. Je le crierai sur les toits. La province entière saura ce qu'elle est, retentira de son nom. Ah, monsieur Delhomme, on ne se moquera pas de moi impunément, je vous l'affirme, on verra ce qu'il en coûte de m'insulter. Il me paraît, fit Axel en se levant, que vous allez recevoir les étrivières avant longtemps, mon petit monsieur. Je ne puis vous traiter selon vos mérites, sous mon toit, ce ne serait pas hospitalier. Mais veuillez me suivre dehors, et je ferai le nécessaire avec le plus vif plaisir. Mais regardant Klutz avec plus d'attention, ah ça, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Fit-il en se rapprochant vivement de l'infortuné qui chancelait comme un homme ivre. Vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous avez la figure à l'envers. Vous tremblez comme la feuille. Vos paupières sont en feu. Voyons, avouez que vous venez de pleurer. Monsieur, s'écria Klutz, se mordant la lèvre jusqu'au sang, pour maîtriser les larmes qu'il sentait le gagner de nouveau. Allons, allons, j'ai eu tort de vous prendre au sérieux. Vous êtes malade. Je parais que vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Claude eut un geste éloquent. Il n'osait parler, tant il se sentait les lèvres tremblantes. Laissez-moi vous faire apporter quelque chose, continua l'homme. Une tranche de viande froide, un verre de bière. Monsieur, monsieur, je ne me laisserai pas corrompre. Je ne mange pas de ce pain-là. Balbutia Claude, tragique et grotesque. Non, prenez du moins un cigare, fit Axel. En lui tendant son porte-cigare ouvert. « Ça, ce n'est pas se laisser corrompre. Et croyez-moi, allez sans tarder vous mettre au lit. Vous tomberez sérieusement malade si vous n'y prenez garde. » le jeune vicaire sentait le flot des larmes monter, irrésistible, étouffant. N'osant prononcer un mot de peur d'éclater, de se déshonorer à jamais devant l'aristocrate, il prit d'une main tremblante un cigare, l'alluma à celui d'Axel. Sa main dansait, littéralement. « Allons, fit M. Delhomme avec bonté, rentrez chez vous. Demandez à la Frau Pastorin de vous donner un bon souper, et couchez-vous bien vite. Cela vous guérira de vos lubies, car ce sont des lubies, croyez-moi. Voici votre chapeau. Bonsoir. Non, la porte est par ici. Bonne nuit. Nous recoserons de tout cela un de ces jours. » Il le reconduisit jusqu'au perron, le regarda descendre l'avenue, pensant le voir tomber à chaque pas. « Quel vent il fait ! Vous aurez de la poussière ! Bonsoir » ajouta-t-il avant de rentrer. « Pauvre diable !» pensait M. Delhomme, tandis que, farouche et muet, Klutz disparaissait en trébuchant dans la nuit grandissante. « Pauvre jeune idiot ! La plus haute opinion de soi est pas un grain de cervelle. Une volonté faible et des instincts violents. Trop d'exégèse avec Manske et le plus exquis printemps qui fut jamais pour enflammer ses 20 ans. Ma foi, j'aurais fait sagement de le reconduire. Il est capable de se trouver mal sur le bord du chemin. » M. Delhomme prit son chapeau et descendit l'avenue, s'attendant à trouver Klutz gisant dans quelque fossé, victime de ses émotions. Mais il ne l'aperçut ni couché ni debout. Le candidat avait déjà disparu. Se consolant avec le vieux proverbe « Unkraut vergeht nicht »« Mauvaise herbe croît toujours », M. Delhomme rentra chez lui. Comme il s'en retournait, il croisa Delvig à cheval. Tous deux se reconnurent malgré l'obscurité, mais la nuit leur fournit un prétexte pour ne pas se saluer. Ils le saisirent avec un empressement égal, car leur relation était plus que tendue. Delvig continua sa route en silence, et Axel, ouvrant la grille, rentra dans son parc. Cependant, le jeune idiot n'avait nullement perdu l'usage de ses sens. Il descendait l'avenue à grands pas, emporté d'un élan furieux, pour faire entre ses dents serrées de sourdes injures à l'adresse de l'aristocrate, de l'insolent grand seigneur, qui avait pris avantage de sa faiblesse pour lui témoigner une insultante pitié. Maudites les larmes qui lui étaient montées aux yeux, maudite sa voix tremblante et sa stupide émotion, misérable, trois fois misérable, la nation qui se laissait guider par des tyrans, des maîtres arrogants comme celui-ci. Et comme il arrachait son cigare de ses lèvres pour attester le ciel, il eut un cri de rage en se rappelant qu'il venait d'Axel. Il passait justement devant les écuries de l'homme. La porte extérieure en était demeurée ouverte après avoir livré passage à une charrette de foin. Klutz comprit soudain ce qu'il avait à faire. Le trouble de ses pensées s'illumina d'un éclair fulgurant. Tous les hommes d'écurie étaient assoupés, personne ne le verrait. Entrant vivement et sans bruit dans la cour, il jeta son cigare allumé sur le tas de foin. La flamme ne paraissant pas assez vite à son gré, il prit fiévreusement sa boîte d'allumettes et les frottant avec rage, il les jeta en tas dans l'inflammable cargaison. Il y eut une bouffée de fumée, puis une blanche et aveuglante langue de flamme jaillit. Terrifié de son action, Claude s'enfuit comme un fou.